Toujours autant de valises sous mes yeux, toujours autant de violence sous mes yeux. Même si ça se barre en couille sous mes pieds, je pense à poser des quartiers sur mes yeux. C'est la loi du ralice par ici, c'est la pluie qui nous baptise par ici. J'attends pas que la vie me baise ma reçue, j'attends pas de me perdre comme la raison. Je donne tout, mais je reprends ma confiance. La vie devait me rendre riche, elle m'a rendu méfiant, elle m'a rendu défiant. Je verse les raisins de la colère dans le réceptacle. J'ai moins de réponses que de questions dans le réservoir. Cerveau usé comme mes semelles, cerveau usé comme mes semelles, cerveau usé comme mes semelles, cerveau usé comme mes semelles. On a juste envie de tout niquer, y'a rien de personnel. Envie de tout prendre, envie de tout vendre, y'a rien de personnel. Envie de tout niquer, y'a rien de personnel. Envie de tout prendre, envie de tout vendre, y'a rien de personnel. Envie de tout niquer, y'a rien de personnel. Envie de tout prendre, envie de tout vendre, y'a rien de personnel. Envie de tout niquer, y'a rien de personnel. Envie de tout prendre, envie de tout vendre, y'a rien de personnel. Et je me balade sur le trottoir, oasis tropicale, j'écoute un dernier Rick Cross. C'est comme ça que je me sens vif, j'ai grandi en mouvement. Madeleine de Proust trempée dans le siroc. J'ai fait ce qu'il est cliché, j'ai fait ce qu'une vie trop bien rangée. J'ai toujours fini mon assiette, j'oublie pas que c'est une chance de manger. J'oublie pas que c'est une chance de changer. La moitié de mon collège est toujours dans la street. Je les oublie pas, comme la couleur de ma première repée Total 90. J'ai trop comparé les prix des paquets de pâtes, vu la détresse des petits gens d'un peu trop près. Le bonheur c'est précieux comme un câlin de pote, tu le trouves dans la vérité et pas dans le prêt. Cerveau usé comme mes semelles, cerveau usé comme mes semelles, cerveau usé comme mes semelles, cerveau usé comme mes semelles. On a juste envie de tout niquer, y'a rien de personnel. Envie de tout prendre, envie de tout vendre, y'a rien de personnel. Envie de tout niquer, y'a rien de personnel. Envie de tout prendre, envie de tout vendre, y'a rien de personnel. Envie de tout niquer, y'a rien de personnel. Envie de tout prendre, envie de tout vendre, y'a rien de personnel. Envie de tout niquer, y'a rien de personnel. Envie de tout prendre, envie de tout vendre, y'a rien de personnel.